j'habite, station Charonne. Y'a Tatiana qui vend une robe. Elle a l'air douce et confortable. Depuis ma vie est formidable. Le cul entre deux chaises, je rêve et je divague. Je m'interroge sur cette affiche. Je la regarde au fond des seins. Pourquoi Tatiana, tu m'aguiches? Pourquoi moi et pas mon voisin? Le cul entre deux chaises, je divague. Un jour je quitterai la ligne 9. Pour m'évader sous les palmiers. Ce sera pas du bluff, Tatiana a déjà les billets. Le cul entre deux chaises, je rêve et je divague. J'oublie tous mes malaises, enfin je bois des vagues.